Alfred de Musset, à Juana. Ô ciel, je vous revois, madame, de toutes les amours de mon âme, vous le plus tendre et le premier. Vous souvient-il de notre histoire? Moi, j'en ai gardé la mémoire. C'était, je crois, l'été dernier. Ah, marquise, quand on y pense, ce temps qu'en folie on dépense, comme il nous échappe et nous fuit. Sais-tu bien, ma vieille maîtresse, qu'à l'hiver, sans qu'il y paraisse, j'aurai 20 ans et toi 18. Eh bien, m'amour sans flatterie, si ma rose est un peu pâlie, elle a conservé sa beauté. Enfant, jamais tête espagnole ne fut si belle ni si folle. Te souviens-tu de cet été, de nos soirs, de notre querelle? Tu me donnas, je me rappelle, ton collier d'or pour m'apaiser. Et pendant 3 nuits, que je meurs, je m'éveillais tous les quarts d'heure pour le voir et pour le baiser. Et ta duègne, ô duègne d'année, et la diabolique journée, où tu pensas faire mourir, ô ma perle d'Andalousie, ton vieux mari de jalousie, et ton jeune amant de plaisir. Ah, prenez-y garde, marquise, cet amour-là, quoi qu'on en dise, se retrouvera quelque jour. Quand un cœur vous a contenu, Juana, la place est devenue trop vaste pour un autre amour. Mais que dis-je? Ainsi va le monde. Comment lutterai-je avec l'onde dont les flots ne reculent pas? Ferme tes yeux, tes bras, ton âme. Adieu, ma vie, adieu, madame. Ainsi va le monde, ici-bas. Le temps emporte sur son aile, et le printemps et l'hirondelle, et la vie et les jours perdus. Tout s'en va comme la fumée, l'espérance et la renommée, et moi qui vous ai tant aimé, et toi qui ne t'en souviens plus.